Chapitre 11e. Georges Fritz exerçait sur Pulcherie toutes les influences du magnétisme. Nous entrons ici dans un monde fantastique où la vraisemblance n'a plus de sens, où toutes les règles ordinaires et prévues se trouvent brusquement renversées, où le pilote qui le parcourt n'a plus qu'une boussole possible, la foi. Le lecteur voudra donc bien nous croire quand nous lui parlerons de ce monde ténébreux, où la raison de l'homme s'avance aveuglément à travers une série de phénomènes occultes dont il ne peut suivre le fil ni pénétrer la cause. Les lois ordinaires de la nature, interverties tout à coup par des agents inconnus, semblent ici déjouer à plaisir les efforts de notre intelligence bornée, qui se débat en vain dans les froides régions du doute. Dans les commencements, Pulcherie avait vu Georges Fritz sans répugnance. Elle se sentait tout au contraire attirée vers lui par un instinct vague. Mais depuis que le jeune docteur, au moyen de signes et par l'ébranlement de sa volonté, avait porté le trouble dans les membres endormis de son sujet, celui-ci se débattait contre cette influence, jetait des cris furieux en se tordant, et repoussait le fluide magnétique avec les mains. Il y avait entre eux quelque chose de cette lutte sublime que l'Évangile met si souvent sous nos yeux quand il nous représente Jésus-Christ domptant dans le corps d'un possédé quelques démons écumants et rebelles qui lui résistent. « Fils de Dieu, pourquoi me tourmentes-tu ? » Cette résistance de Pulcherie à l'action toute-puissante de Georges devait encore ressembler au mécontentement du chaos, quand l'énergie créatrice le fit sortir malgré lui de son long repos primitif pour le mettre en mouvement et en travail vers les formations de la vie. Les facultés de cet être imparfait, endormi dans ses sens paresseux, en voulaient à la force étrangère qui les attirait vers le développement et l'action. Elles se complaisaient dans leur néant. Malgré les rébellions de cette nature informe qui se refusait à la vie, Georges finit par la dompter et la soumettre. La force intelligente l'emporta sur les résistances de la nature aveugle. L'esprit vainquit la chair. Maître des mouvements et des fonctions de son sujet, Georges Fritz s'acquit sur lui un empire borné à l'organisme, mais déjà tout puissant. On connaît sur ce point les influences mystérieuses du magnétiseur. Fritz introduisait en quelque sorte sa volonté dans l'essence de Pulcherie, de manière à en arracher les actes les plus extraordinaires. Le sujet n'était plus à l'extérieur qu'une harpe docile, sur les cordes de laquelle se promenaient les doigts souverains de Georges Fritz pour la forcer à tous les accords qu'il désirait. Souvent il se plaisait à tirer dans sa main celle de Pulcherie, qui demeurait en quelque sorte fixée. D'autres fois, Mademoiselle de B répétait tous les mouvements de Fritz comme une ombre soumise et fatalement entraînée par un autre corps dont elle suit dans l'espace les oscillations fugitives. Mais ces influences si merveilleuses n'atteignaient encore que la surface. Au fond, Pulcherie restait toujours la même, sa pauvre intelligence froide, accroupie et morne, n'en demeurait pas moins immobile et impénétrable au fond de cette prison ténébreuse des sens que le génie de Georges ne pouvait encore franchir. Le traitement de Pulcherie ressemblait fort à l'enlèvement d'Eurydice qu'un poète latin raconte en si beaux vers. Il s'agissait, pour délivrer cette âme captive et la ramener à la lumière, de pénétrer dans le profond tartare d'une nature épaisse et ténébreuse où flottaient à peine les ombres vagues de confuses pensées. Il fallait traverser une nuit immobile et lourde, peuplée de chimères informes. Les noires solitudes qui entouraient dans la tête de Pulcherie l'intelligence prisonnière et morte ressemblaient à ces forêts obscurcies d'une éternelle horreur, à ces marais bourbeux du Cocyte et aux froides limites du Styx inexorable, trois fois replié sur lui-même. À l'entrée veillait, comme le Cerbère aux trois gueules béantes, la force physique de cette nature rebelle. Malgré tous ces obstacles, malgré le succès douteux de son entreprise, Georges, soutenu comme Orphée par les harmonies mystérieuses d'une lyre invisible et poussé par l'amour, entra dans les royaumes obscurs où languissait son Eurydice.